désormais logée comme d'autres vendeuses, dans une chambre mansardée du bonheur des dames, Denise, fatiguée de ranger les manteaux dépliés durant la journée, est encore plus angoissée le soir. Elle s'inquiète, en effet, de la pension qu'elle doit payer pour son petit frère, Pépé, et Jean, le cadet, vient lui soutirer de l'argent pour se dépêtrer dans ses aventures amoureuses. Pauline était logée dans une chambre voisine de celle de Denise. Ce soir-là, elle vient à nouveau la réconforter.